traverse ces longs tunnels noirs. Les sapins dans le vent se balancent lentement, immense et rassurant. Le bulle rouge d'un